Plus de 110 pays ont des terres arides menacées par la désertification. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans 7 heures du soir avec Otavio et moi-même Dynamike. Mais surtout, surtout avec un concert enregistré à la fin de l'année dernière à Milan, au Palacharpe, et il s'agit de Massive Attack, nouvel album de Massive Attack, Heligoland. Et là on exclut sur Couleur 3. On exclut dans 7 heures du soir. Massive Attack. J'espère que vous êtes prêts, bien calés dans votre salon, votre salle à manger. C'est parti avec Otavio et Dagi G, a.k.a. Dynamike MC. Mais là maintenant c'est Massive Attack, baby. Une heure de concert. Massive Attack en live dans 7 heures du soir. Du soir, 19h, 20h, sur Couleur 3. We'll be right back. Grazie, buonasera. Grazie. Siamo molto contenti di essere qui. As you know, questa ragazza chiama Martina. Yes, big boy. Va bene tutti? Couleur Grazie mille. Massive Attack, donc en live à la place de 7h du soir. J'imagine qu'il n'y a personne qui va se plaindre. C'était au Palace Sharp, c'était à Milan. C'était le 7 novembre 2009. Massive Attack qui revient donc avec un album Heligoland. Et ça fait plaisir. Ça fait depuis quoi 1989 qu'ils existent, Massive Attack. Même si ils existaient quand même avant ça. Mais c'est la première fois qu'on a pris dans la gueule avec Unfinished Sympathy. Je crois que c'était vers là. On continue donc avec ce concert de Massive Attack enregistré en novembre dernier. They think it's all. Thank you. Stacked up, Ben. Everybody okay? Bravo à Massive Attack en live. Donc, c'était enregistré le 7 novembre 2009 au Palasharp de Milan. Alors, on a écouté depuis le début de ce concert Heartcliff Star, Rising Sun, Future Proof, et là, juste maintenant, Teardrop. Et si jamais tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'on les connaît depuis 89, leur premier vrai single, il date de 1991. C'est bien ça, 91 quand même, hein, Unfinished Sympathy. Par contre, c'est clair qu'ils avaient sorti des trucs dès 89. Là, on écoute des extraits du nouvel album. Il s'appelle Heligoland. I'm a little curious of you and crowded seats and how serene with friends and feet. We flew with strollers too, illuminated gently. Gonna close your eyes and reinvent me. You know you're gonna hurt me to stop. You should've let me know. You could've let me know. Let go till morning comes. Traffic blows. Don't succumb. You're spending too much time with your friends. I give me evenings and weekends. I want some evenings and weekends. Could be yours. We can't wait. I'm losing force. I'm losing force. Your degree is a typical high. Lines that you're watching ain't go by. What's your name goes by. Not thicker than water, not thicker than mud. And the AK thuds and does. Yeah, thuds and does. Yeah. Grazie ragazzi. Thank you. Massive Attack en live, ça date de novembre, hein, du 7 novembre, enregistré à Milan. Et d'ailleurs, merci à Eurosonic pour ce live. Merci aussi à Amy Angleterre. On a écouté Inertia Creeps et juste avant Mezzanine. Mezzanine, un énorme album de Massive Attack qui date de 1998. 12 ans déjà, les mecs. Hein. Quand même, ça passe hyper vite. Faut dire que ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas entendu du Massive Attack. La dernière vraie album de EP de Massive Attack s'appelait Splitting the Atom. Et tiens, coïncidence, je crois même que c'est le morceau qu'on va s'écouter là maintenant. En tout cas, le tout dernier de Massive Attack, donc 8 ans après la sortie du dernier, s'appelle Heligoland. Et absolument, il faut choper, si t'es un kiffeur de tous les sons un peu down tempo, un peu que genre tu peux mettre pendant que t'es en train de rouler un bédo, par exemple. Je dis ça, mais vite fait, hein. Splitting the Atom, c'est en live, c'est Massive Attack, c'est à la place de 7h du soir, et je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Wow. Invisible, invisible. Hey! USA et Massive Attack, on vient d'entendre Unfinished Sympathy, à savoir un morceau dont je te parlais tout à l'heure, le morceau qui a révélé Massive Attack. D'ailleurs, à l'époque, il l'avait sorti sous le nom de Massive, tout court. Au chant, il y avait Shara Nelson. Et le clip était vraiment terrible, terrible, terrible. Je sais pas si tu te rappelles. Bref, le dernier album de Massive Attack s'appelle Ellie Goland. Et c'était un concert de Massive Attack qu'on vous offre grâce à Eurosonic. Merci à eux, merci à EMI. Couleur 3, 7h du soir, on se retrouve demain avec José. Et on se quitte avec un grand classique aussi, c'est Karma Coma. Big up au Massive. On se chope demain, merci à toi Otavio. See ya! Suburbs, you're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double, duplicate, and then you wait for the next Q8. Non la flatta. Montreux, 20h. Johannesburg, 21h. Hanoï, 2h.